sombre rang, les bêtes de la nouvelle rangée se dessinent. À quoi sert cet appendice? Les hommes ont de gros yeux, de longs doigts, de l'argile sur le visage. Le chasseur regarde le bout d'une stalactite, écoute le bruit métronomique des gouttes qui tombent. Ce soir, il bouffe du sanglier. Il l'a vu dans un rêve. Dernier résultat du moteur de recherche. Top 10. Recette. De viande. De glace à la viande. Samson et les nazis ont aboli la crainte de l'alopécie. Les tonsures de moine fleurissent partout. Les rues sont éclairées par les reflets de lumière charismatique sur des crânes luisants. Déboussolé, le chasseur névrosé se confie à ta psychanalyste. D'après lui, la laïcité est une religion d'État et son clergé la franc-maçonnerie. Il vénère les lumières dressées depuis le néolithique sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle. Symbole de l'homme libre tatoué sur la cuisse. Du sang et du plastique. Du sang et du plastique. Prière ne pas laisser de déchets sur le site de la roque aux sorciers. Ces lettres sont gravées à l'acide sur la façade de calcaire. Sigils et sédiments de l'ère glaciaire. Ordinateur quantique fossilisé. Incrémentalité, sauvegarde en cours. Il n'est pas nécessaire de connaître le sens d'un mot pour l'apprécier. Les mythes du monde perdu. À l'oppidum de Castelviel, on a retrouvé une tablette graphique contenant les 7 glyphes algorithmiques de Diodore de Sicile. Entre pendules et rangées de turibulas, une colossale bibliothèque est contenue dans une poignée de circuits imprimés. Le backup d'Alexandrie, des annales akashiques, des merveilles de ce monde. La pieuvre numérique, des canaux des alambics, des bocaux de formol conservant des organes d'animaux. Quel nécromancien a conçu ce dispositif? Une aiguille reliée à une pompe. De la moelle osseuse circule dans un complexe réseau de serpentins. Je connaissais la mémoire de l'eau, mais là, ça m'espante. Ce jus de bagarre qui pègue. Je m'efforce de garder le dos droit, de jeter un œil par-dessus mon épaule, de ne pas laisser mon paquet de clopes sur la table pendant que des vampires alcoolisés circulent. Le journal est saturé de quelques secondaires. La lumière bleue se réfracte dans les lunettes. La skip des yeux sont le reflet de l'âme. Hier, j'ai croisé Chamad sur le parking de l'hôtel vers Fédaren. Elle m'a dit que je ne pouvais plus vivre avec les héons et les chats sauvages. Qu'il faut rejoindre la cave coopérative. La culpabilité est un aveu d'impuissance car le coupable est déjà condamné. Elles sont enfermées dans un purda, surveillées par des castras, la Kitty, les Amazones, les Valkyries, les portes-stars de la pellicule argentique. Le voisin du bas ne perçoit pas les signes. Les oracles annoncent une prophétie aux oreilles des actrices. Ouvrez les portes. J'ai ouï dire que les cryptologues peuvent partir. Sonar de la troisième hémisphère. Dans le jeu des dupes, tout est une question de pudeur.